Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Sciences Publiques. Comme toujours, vos réflexions et commentaires sont vivement attendus sur notre site au sujet de notre débat d'aujourd'hui. La santé connectée, paradis ou enfer ? Vous l'avez sûrement remarqué, l'un des phénomènes nouveaux en matière de santé est constitué par l'apparition de nombreux objets dits connectés, qu'il s'agisse de montres, de téléphones mobiles ou de pèse-personnes. Tous ont une double caractéristique. D'une part, ils mesurent certains paramètres physiques, comme le rythme cardiaque, le nombre de pas effectués dans la journée, la distance parcourue ou la masse corporelle. Et d'autre part, ces objets communiquent les informations collectées à un téléphone mobile ou à un ordinateur. En les utilisant, vous pénétrez dans un nouveau monde, celui de la santé connectée ou de la e-santé pour les plus branchés. Et ce phénomène dépasse largement les gadgets personnels, comme nous allons le voir aujourd'hui. La e-santé promet de modifier en profondeur notre relation avec la médecine, mais aussi avec notre corps. Vous en doutez, le 10 juin, la e-santé tenait son premier salon à Monaco. Et aujourd'hui même, François Hollande inaugure la cité de l'objet connecté à Saint-Sylvain-d'Anjou, près d'Angers. Ce domaine fait en effet partie des 34 secteurs de la nouvelle France industrielle imaginée par Arnaud Montebourg. La e-santé, c'est aussi un marché considérable. Prenons l'exemple de l'entreprise américaine Fitbit, créée en 2007 pour commercialiser ses bracelets connectés. Après avoir vendu plus de 20 millions de ses appareils, elle vient d'être valorisée aux alentours de 3 milliards de dollars et a réalisé un chiffre d'affaires de près de 750 millions de dollars en 2014. Si la e-santé promet d'améliorer notre santé grâce à la surveillance de notre corps, elle pose des problèmes de confidentialité des données personnelles enregistrées. En effet, au-delà du médecin, ces informations peuvent intéresser les employeurs, les banquiers ou les assureurs. Comment fonctionne la santé connectée au-delà des gadgets électroniques ? Peut-elle remplacer les consultations médicales et l'hospitalisation ? Quelles contraintes fait-elle peser sur les patients dont la santé est ainsi mise sous contrôle continu ? Lorsque la santé connectée sera développée, comment les patients pourront-ils conserver une maîtrise des informations les concernant ? La e-santé ne conduit-elle pas à une déshumanisation de la médecine ? Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui en direct dans Sciences Publiques, depuis la Maison de la Radio, Joliette Coste, ex-directrice scientifique de l'établissement français du sang, l'EFS, de la région Languedoc-Roussillon-Pyrénées-Méditerranée, et aujourd'hui chargée de mission à la direction générale de l'EFS. Et Joliette Coste est également maire adjointe de Chalabre, une commune d'environ 1000 habitants dans l'Aude, et qui nous expliquera comment elle expérimente dès aujourd'hui la santé connectée. Jean-Louis Fréchin est enseignant, designer numérique, fondateur de No Design, une agence de design et d'innovation. Gérard Haas est président du premier réseau d'avocats francophones, Jessica, et avocat spécialisé en droit de l'Internet et des NTIC. Daniel Laune, enfin, est PDG de Kiomed, une jeune entreprise de Montpellier spécialisée dans le développement de solutions de e-santé. Je vous rappelle que vous pouvez bien entendu nous communiquer vos commentaires, vos réflexions et vos témoignages sur le site de Sciences Publiques sur franceculture.fr. Daniel Laune, vous êtes avec nous par téléphone depuis Angers où se déroule aujourd'hui, comme je le disais en introduction, l'inauguration de la cité de l'objet connecté par François Hollande. Vous nous entendez ? Oui, très bien, bonjour. Bonjour, parfait. Alors, Daniel Laune, expliquez-nous ce qu'est Kiomed, l'entreprise que vous dirigez, et quelle est sa relation à la fois avec les objets connectés et la e-santé. Alors, tout d'abord, merci pour l'invitation. Donc, Kiomed est une entreprise née il y a tout juste un an, donc en avril 2014, et qui est spécialisée donc dans l'évaluation et l'industrialisation des nouvelles solutions de santé, et notamment tout ce qui est autour des objets connectés avec une vision médicale. Nous avons développé donc avec d'autres en France et en Europe donc la notion de Living Lab, qui est un lieu, mais surtout une méthodologie pour tester ces solutions de santé et pour faire participer les patients et les professionnels de santé sur l'évaluation de ces solutions. On va y revenir bien sûr en détail. On va d'abord terminer un premier tour de table. Joliette Coste, bonjour. Oui, bonjour. Donc votre commune, je disais 1000 habitants, c'est à peu près ça ? Disons environ 1250 habitants. Une commune rurale, c'est important de le dire, de la Haute-Vallée de l'Aude, le pays Qatar. le lieu des châteaux cathares. Et donc, c'est typiquement un milieu rural qui va souffrir dans les années à venir, puisque on sait que la démographie médicale, hélas, baisse, et que cette désertification médicale, elle va toucher d'abord, hélas, le milieu rural avant les villes. Et donc, avec le maire Jean-Jacques Olombard, qui est un ancien directeur d'hôpital, nous anticipons sur le fait que cette e-santé va certainement apporter dans le milieu rural un progrès économique. Voilà, on va également parler de cette expérience. Jean-Louis Fréchin, bonjour. Bonjour. Donc avec votre agence New Design, vous vous intéressez à ces objets connectés qui sont capables de produire, de collecter ou de transmettre des informations. Et c'est la définition même des systèmes utilisés dans la e-santé. Alors comment voyez-vous ces objets s'intégrer dans le domaine plus large de ce qu'on appelle l'Internet des objets ? Alors les objets connectés sont bien sûr une partie de l'Internet des objets. C'est pas tellement sous l'angle technique qui m'intéresse, c'est plutôt sous l'angle de l'usage et de l'économie. Je les appelle des néo-objets et pourquoi ils ont un nom différent ? Parce qu'en fait ce sont des biens qui incorporent des services de manière fusionnée. Et ça bouleverse un peu les contours des objets tels qu'on les connaissait. Avant c'était des fonctions mécaniques qui les opéraient, aujourd'hui ce sont des services. Et des services qui sont pas dans l'enveloppe mais qui sont connectés avec le monde entier ou des systèmes techniques ou des systèmes d'information. Donc ça bouleverse beaucoup de choses en termes d'usage, mais ça offre un champ d'opportunités pour défier certains problèmes de manière tout à fait intéressante. Voilà, c'est cela qu'on va explorer aujourd'hui. Gérard Haas, bonjour. Bonjour. Donc vous, nous invitons assez rarement des avocats dans cette émission, mais si nous avons demandé d'y participer, c'est parce que vous vous intéressez à la santé connectée et à ses implications juridiques. Les implications juridiques qu'elle peut avoir pour les citoyens, en particulier avec le développement d'une santé qui devient préventive d'une certaine façon. Alors pour vous, la e-santé, s'agit-il bien de cela ? Alors absolument, c'est-à-dire que derrière la santé prédictive, on a aussi une santé et de nouveaux éléments qui arrivent, qui sont derrière les biens et les services, c'est les données. Et derrière les données, il y a des personnes, et bien entendu, il y a des règles à respecter par rapport à la confidentialité. Dans le domaine de la santé, nous sommes dans un espace qui est réservé, qui est considéré comme étant sensible. Et en même temps, nous avons des données qui peuvent être des données de bien-être et d'autre côté, des données de santé. Avec cela, on parle d'évaluation, d'industrialisation, de valorisation. Alors effectivement, le droit a quelque chose à faire là-dessus et on y répondra à cela. Absolument. On va revenir sur l'activité de Daniel Laune et de Kiomed. Quels sont exactement les systèmes que vous testez aujourd'hui? Quelles sont les applications qui sont les premières en matière de e-santé dans ce que vous avez appelé tout à l'heure un living lab? Alors oui, donc tout d'abord, un living lab, c'est un lieu, hein, comme je disais, donc où on reproduit la réalité pour vraiment faire participer les citoyens et les professionnels de santé. Donc ça peut être un salon, une cuisine, un cabinet médical, une officine de pharmacie. Et nous, actuellement, les objets et applications mobiles, puisqu'il y en a beaucoup qui de demandes dans ce secteur-là, qu'on a testé. Donc c'est, pour donner le premier exemple, un pilulier connecté. Donc qui permet de suivre l'observance médicamenteuse et pour lequel un grand groupe pharmaceutique français nous a demandé de tester, alors qu'il est sous forme de prototype, ce que pourrait être son usage. On a parlé tout à l'heure donc des intervenants d'usage, je pense que c'est vraiment le mot clé pour Kiomed, c'est tester l'usage et voir si ça correspond véritablement à un besoin et une utilité au niveau du suivi de la santé d'une personne. Donc, on va rester peut-être un moment sur le pilulier parce que justement c'est ce qui a été testé à Chalabre, Joliette Coste. Alors peut-être vous pouvez nous expliquer un petit peu quel a été l'objet de cette expérience et comment elle s'est déroulée. Oui, juste revenir sur le fait que effectivement dans ce contrat de partenariat que Chalabre a signé avec Kiomed, ce partenariat consiste effectivement de proposer à Kiomed un living lab, comme vous venez de le dire, c'est-à-dire un terrain tout à fait innovant où on va tester grandeur nature, voilà, un objet connecté, on va arriver au pilulier. Et surtout, ce qui est très original, c'est que ce sont les citoyens finalement, qui sont au cœur de ce dispositif et qui vont plus être uniquement les consommateurs de ces nouveaux systèmes de santé, mais ils vont avoir leur mot à dire dans l'évolution, la transformation éventuelle finale d'un prototype. Donc, alors, en effet, le premier dispositif que nous avons commencé à évaluer est un pilulier connecté, un pilulier intelligent. Alors, quelques chiffres très très rapides. Savez-vous qu'aujourd'hui, 50% des patients ne suivent pas leur traitement et que surtout 30% des hospitalisations des seniors sont dues à des problèmes de non-observance. Et donc, chaque année, on comptabilise 200 000 hospitalisations et 8 000 décès dus à des défauts d'observance, d'où l'importance de ce pilulier connecté. Alors, en deux mots, comment ça marche? Voilà, alors, c'est un prototype. Un pilulier, on sait ce que Daniel c'est. Lone va, oui. C'est une boîte avec des petites cases. Oui, en fait, ça ressemble à un iPad. Pour moi, un gros iPad. Nous en avons eu la démonstration avec, évidemment, des alvéoles. Et l'objectif, c'est finalement de préparer ce pilulier avec toutes les pilules dont le patient a besoin pour une semaine. Et parfois, les prescriptions sont compliquées parce qu'on ne prend pas les mêmes médicaments le matin qu'en début d'après-midi. Et donc, l'idée, c'est une préparation hebdomadaire. Donc là aussi, il y a tout un travail à faire avec le citoyen. Et puis, voilà, le pilulier est à proximité du patient. Et lorsque le sujet oublie de prendre ses pilules, il y a un signal lumineux qui se met en marche et qui fait que le patient dit « zut, j'ai oublié de prendre mes médicaments ». Mais on peut aussi imaginer que si ça dure, le pharmacien qui le lundi matin a préparé le pilulier ou bien le personnel de santé en charge du patient est alerté et se déplace pour voir ce qu'il se passe. Donc c'est l'objectif de ce pilulier, voilà, qui est en cours de construction. Alors Daniel Lone, peut-être des précisions plus techniques sur ce que attendait votre partenaire. Vous avez un partenaire qui est un groupe pharmaceutique que vous pouvez citer ou pas? Oui, là maintenant, je pense que il y a eu déjà de l'information sur. Donc c'est Sanofi. Mm-hmm. Derrière. Je pense que c'est vraiment dans les entreprises du secteur de la santé et pharmaceutique, on est au niveau mondial un des pionniers dans ce secteur de la e-santé et qui a bien compris que le médicament était une chose, mais que ça ne suffisait pas de vendre uniquement des médicaments et qu'il fallait accompagner les patients avec un certain nombre de services. Hein. Donc là aussi, donc vous avez cité tout à l'heure que les biens et les services maintenant étaient fusionnés. Mais je crois que c'est un exemple parfait. Et donc, qu'est-ce qu'attendait le Sanofi de cette étude? C'était déjà une étude dans un lieu neutre, indépendant. Et d'avoir l'avis sur les fonctionnalités, sur l'ergonomie, sur le modèle économique. Est-ce que les patients étaient prêts à acheter, à louer ce pilulier? Comment ils acceptaient son usage? Comment ce pilulier pouvait s'intégrer dans la vie de tous les jours? Et aussi dans le réseau, dans l'écosystème santé, donc avec le pharmacien, l'infirmière, l'aidant. Voir qui était le mieux placé pour prendre en charge le remplissage de ce pilulier et après du suivi pour que quand il y a un souci, la bonne personne soit alertée et puisse agir donc en fonction de l'acticité du traitement et de la non-prise ou de la mauvaise prise du traitement. Alors voilà, pour bien comprendre, en fait, la notion de service, elle a deux dimensions au fond. D'un côté, ça sert au patient à être alerté s'il ne prend pas le médicament qui est prévu, mais également une fonction d'alerte extérieure à la maison, par exemple, dans laquelle se trouve le patient. Et donc, dans ce cas précis de Chalabre, qui est alerté, chez qui sonne l'alarme en cas de problème? Peut-être Daniel Lone d'abord. Oui, alors il faut savoir que c'est une notion que je pense qu'on reprendra tout à l'heure, toutes les données qui sont issues de ces objets connectés, des applications, appartiennent aux patients. Donc nous, dans les cadres de nos études, on fait signer un document, un consentement éclairé, dans lequel il est bien précisé que le patient, à tout moment, peut reprendre ces données et les récupérer, et ils seront donc effacés de ces études. dans le cadre de ce système de pilulier, là aussi, c'est le patient qui a la main et qui décide si oui ou non, il conserve pour lui tout seul ses données. Donc le fait qu'il prend à telle heure son traitement ou qu'il a oublié le lundi à 8 heures de prendre son traitement. Et il peut aussi le transmettre, s'il le souhaite, donc à son médecin généraliste, son médecin traitant, à un spécialiste, à son pharmacien ou à son infirmier, ou à sa femme ou à son mari, en fonction de ses souhaits. Et c'est ces personnes-là qui seront alertées en fonction, là aussi, du traitement, de l'importance de bien suivre le traitement et des conséquences que ça peut avoir, cette non-observance, comme l'a pu souligner Madame Coste tout à l'heure. Donc c'est des chiffres qui sont très très importants, donc en termes de jours d'hospitalisation, de décès, donc qui sont dus à ces non-observances. Alors Jean-Louis Fréchin, c'est exactement la notion dont vous parliez tout à l'heure, ou pas tout à fait? Vous avez l'air de douter. Si, non, je ne doute pas du tout, mais moi, mon job, c'est l'innovation. La question que je me pose toujours, c'est aurait-on pu faire ce type de projet il y a 10-15 ans, indépendamment d'une technologie clé comme le Bluetooth? La réponse est oui. Et donc, ça pose un certain nombre de problèmes. Dans les objets connectés, il y a des facteurs nouveaux et des facteurs assez larges. Le premier, c'est ce qu'on peut appeler la révolution numérique, qui est une révolution des usages et de la manière de faire les choses plus que des choses. C'est-à-dire que les piluliers sont les piluliers, mais les manières de les produire sont totalement nouvelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une start-up qui n'est pas Sanofi, qui n'est pas liée au monde médical, peut fabriquer un pilulier, le vendre 49€, le vendre sur Internet, ne pas être agréé par la Sécurité sociale et prendre 80% du marché. Vous parlez de qui, là? Je sais pas, c'est une boîte idéale, mais je peux prendre l'exemple de WeSings avec ses balances, mm-hmm. qui a sorti Seb du marché de la balance, qui a cristallisé les acteurs, il y a Terrayon, il y a WeSings. Et WeSings a sorti un tensiomètre qui n'était pas un produit médical au départ, qui était vendu sur Internet, qui était un peu moins bien qu'un tensiomètre professionnel, mais qui couvrait des besoins d'observance, vous en avez parlé, madame, chez des gens qui avaient des problèmes de tension. Alors, les médecins disaient, mais c'est pas bien, c'est pas un objet médical, mais le marché disait, oui, mais il est moins cher, il est moderne, et l'interface de l'iPhone qui permet d'opérer est vraiment très pratique. C'est-à-dire que c'est des produits grand public, c'est pas des orthèses médicales ou des prothèses médicales, c'est vraiment des produits grand public désirables. Tensiomètre. Et puis, bon, ça fait beaucoup de débats, comme ici aujourd'hui, c'est un produit de prévention, mais nous on fait de la curation, etc. Résultat des courses. Ce tensiomètre grand public avec les qualités d'un produit grand public est devenu aujourd'hui un medical device agréé par la FDA aux États-Unis. Donc un système médical avec une qualité de conception, de fabrication venant du grand public, donc étant un objet de désir avec des qualités assez complète et pas, disons, un produit où on se demande comment on va s'en servir, qui va l'utiliser, comment on va le vendre. Enfin, une manière très française de faire les choses. Donc un design orienté ancienne, grand public. Voilà, ouais. Qui change complètement la rapidité de mise sur le marché et la capacité à devenir un acteur important très vite. Bon, alors WeSings nous a fait la démonstration, ils sont français, c'est formidable. Aujourd'hui, par exemple, vous avez sur le marché des éthylotests, des produits à $20 qui permettent de couvrir plus ou moins le fait que si quand on sort de boîte de nuit, on peut prendre la voiture ou pas. Alors, ils sont pas parfaits, ils sont pas super justes, mais ils couvrent à peu près 80% des besoins. Puis vous avez des produits certifiés pour la gendarmerie. Entre les deux, on se dit bien qu'il va se passer quelque chose. Et ça, c'est vraiment une autre manière de produire les objets qui peuvent nous aider. Si on prend le chemin long, on n'est pas sûr d'être bien placé à l'arrivée sur le marché. Et le monde du numérique, il va vite. Alors, Daniel Lone, pour juste préciser, le pilulier dont vous parlez, d'où vient-il, enfin, qui l'a produit? Alors, c'est des startups, des plus grosses, des petites PME de la région grenobloise qui ont conçu ce pilulier. Mais je partage tout à fait l'intervention là de Monsieur Fréchin, donc parce que je pense que les acteurs de la santé ont un souci à se faire, c'est qu'ils sont habitués à avoir des cycles de produits beaucoup plus longs. Ce qui va être le cas dans un proche futur, pratiquement un présent, avec des médicaments qui sont sur le marché pour pendant 20 ans, voire plus, des dispositifs médicaux ou des tests de diagnostic pendant 5-10 ans. Or, le rythme est en train de s'accélérer et les besoins sont en train de s'accélérer, donc il va falloir un changement profond de leur process et de leur façon d'aborder les choses. Mais je pense que l'un n'exclut pas l'autre, et Nous, on milite au niveau de Kiomet pour que ces solutions de santé, bien des solutions de santé, soient rapidement testées, rapidement fabriquées sous forme de prototypes puis de produits et de séries. C'est pour ça, on pourra en reparler, qu'on est aussi aujourd'hui associé à la Cité des objets connectés d'Angers. Et que après, il y ait des évolutions de ces produits-là, une fois qu'ils seront sur le marché. Je pense que la rapidité de mise sur le marché est un point essentiel dans le futur de ces entreprises. Par contre, vous avez bien dit, vous avez cité deux points qui sont très importants, c'est que qu'est-ce que recherche le public, les citoyens, c'est des produits qui sont si possible pratiques, faciles d'utilisation, donc ils ne souhaitent pas des objets hyper connectés avec la dernière technologie dans laquelle ils ne savent pas utiliser ou qui vont être considérés comme des gadgets. La plupart des outils de ce type-là sont utilisés, la moyenne c'est 3 semaines, et après ils sont laissés dans un coin. Ils veulent des objets pour la santé qui soient pas très chers, donc à des prix abordables, sinon on va arriver à ce que j'appelle, moi, je pense que dans ce marché de la e-santé et dans ce besoin de la e-santé, il y a 3 risques, 3 fractures qui pourraient arriver. Une fracture technologique, donc je l'ai expliqué par rapport à des gadgets et le fait qu'il y ait trop de technologie. Une fracture économique, des solutions, des objets qui ne pourront être utilisés que par une frange toute petite de la population. Et une fracture géographique aussi, et c'est pour ça qu'il faut non seulement promouvoir ces solutions-là dans les villes, dans les grandes villes, donc en France et à l'étranger, mais aussi dans les zones un peu plus rurales, et c'est pour ça qu'on a mis en place, nous, ce partenariat avec Chalabre, et d'autres qui viendront après, mais Chalabre est le premier exemple de ce qu'on peut faire aussi pour toucher l'ensemble de la population sur ces solutions de e-santé. France Culture, Sciences Publiques, Michel Albert-Gonti. Nous débattons aujourd'hui la question, la santé connectée, paradis ou enfer, avec nos invités, Joliette Coste, chargée de mission à la direction générale de l'établissement français du sang et maire adjointe de Chalabre, Jean-Louis Fréchin, designer numérique, fondateur de No Design, Gérard Haas, avocat spécialisé en droit de l'Internet et des NTIC, et Daniel Laune, PDG de Kiomed, entreprise spécialisée dans les solutions de e-santé. Alors, on voit bien là, tout l'intérêt de cette convergence, en fait, d'après ce que nous expliquait également Jean-Louis Fréchin, entre une approche grand public qui développe des objets avec les critères de grand public, c'est-à-dire une phase, un design, je suppose une forme, mais aussi des modes d'usage, des façons d'être utilisés qui sont plus adaptés au grand public, et puis d'un autre côté les besoins médicaux. Il y a une espèce de réunion, Gérard Haas, sur une fusion un peu de ces deux approches, de ces deux marchés. Alors c'est exact, et en même temps ça va nous poser plein de questions. La première, il faut savoir que la France est le pays mondial où nous avons collecté depuis des années le plus grand nombre d'informations sur les données de santé grâce à la sécurité sociale. Et en même temps, on n'a jamais su, en fait, l'exploiter. Il était anormal de ne pas savoir qu'en n'utilisant pas un pilulier, eh bien, il y avait des décès qui augmentaient ou des gens qui augmentaient leur maladie. Alors ça, c'est déjà un premier problème. Ça va nous poser une autre question. C'est demain, qui va payer le pilulier? Finalement, si c'est un intérêt social et médical, pourquoi ce serait l'usager, le patient, et pas la sécurité sociale? Donc, vous voyez, il y a un enjeu qui est véritablement intéressant autour de ça et qui va poser la question de c'est qui va prendre en charge cela. D'autre part, il y a un autre point dans la ville à Chalabre, c'est volontaire. Bien entendu, c'est quelque chose qui est volontaire, et donc la question va se poser de savoir si demain certains acteurs tels que les banquiers, tels que les médecins, tels que la sécurité sociale, les assureurs, est-ce qu'ils ne vont pas l'imposer? Et donc par rapport aux libertés, il y a des questions qui peuvent être remises en cause et en jeu. Et puis derrière ça, il y a l'utilisation de ces outils. Et là, le droit s'y intéresse terriblement. Le problème de la connexion, c'est fantastique. Alors c'est vrai que aujourd'hui, on passe d'un monde des puces, qui était le monde des années 90, au monde des capteurs et des connexions. Mais en même temps, le véritable enjeu, c'est celui de la fiabilité, qui me dit finalement que ces outils sont fiables. Et donc il y a un enjeu de sécurité qui est majeur. Il y a un problème aussi de piratage. On voit là derrière que on pourrait trafiquer, perturber les données, et donc l'intrusion dans la sphère privée, et puis l'intrusion aussi sur les outils. Il y a aussi l'utilisation des données. Qu'est-ce qu'on va en faire? Là, il nous a été indiqué que finalement, le patient pouvait à tout moment revenir et récupérer ses données. peut-être, c'est une déclaration qui a été faite. Je rappelle quand même que l'utilisation d'outils, et notamment lorsque l'on est responsable d'un traitement, implique non seulement, lorsque c'est sur du bien-être, une déclaration auprès de la CNIL, mais lorsque l'on est sur des données de santé, une autorisation qui doit être donnée par la CNIL. Donc là aussi, le problème du boîtier, il n'est pas simplement avec le capteur, il est aussi est-ce qu'on a ou pas reçu les autorisations. Il y a un problème aussi sur les santé qui sont issues de ces produits. Et notamment, lorsqu'on est avec des capteurs, un problème environnemental sur les radiofréquences. Est-ce que finalement, nous allons arriver, et c'est prévu, qu'à partir de 2020, nous aurons plus de 500 outils connectés dans notre environnement, dans notre maison. Est-ce qu'il va pas y avoir des perturbations radio-électromagnétiques? L'ANCE dit, attention, on n'a pas aujourd'hui d'étude d'impact par rapport à cela. L'ANCE, c'est... Voilà, absolument. Non, qui... L'agence L'Agence nationale de la sécurité sanitaire, de l'alimentation et de l'environnement, qui en fait fait des études et qui se pose des questions en disant finalement on n'a pas assez de recul, on n'a pas fait d'études d'impact pour voir s'il n'y a pas des conséquences sur le comportement des patients. Juliette Coste. Oui, pour compléter ce que vous dites, tout à fait d'accord. Je pense que si il est question un jour que ce pilulier devienne une obligation médicale, puisque ça correspond à une amélioration de la santé, je pense que la France et l'Europe vont poser des conditions. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas acheter n'importe quel pilulier. Parce que déjà, chez nous, il y a une obligation du marquage CE. Et le marquage CE indique que l'objet doit répondre à un certain nombre de spécifications. Sinon, En même temps, ça dépend s'il est considéré comme un objet de loisir ou un objet médical, un système médical. Ça fait une grande différence dans la grande décision, différence. Dans les accompagnements à la décision, effectivement. Oui. C'est vrai que la balance intelligente ou le podomètre connecté, c'est peut-être moins important que lorsque l'on rentre dans des systèmes de télémédecine où le médecin est en contact avec son patient. Là, ça change complètement. Absolument. Après, la question est de savoir si l'assureur ne va pas impliquer. Oui, absolument. C'est un problème de savoir si demain, l'assureur va dire, attendez, je ne garantis plus, en fait, et je ne couvre plus le risque, puisque, en fait, vous montrez que vous êtes défaillant dans l'utilisation qui vous est imposée de suivre. Et donc, là aussi, vous voyez, il y a ce problème. Et c'est pour ça que très vite, ce qui est présenté comme étant un paradis, qui peut derrière, grâce à un artifice de cosmétique et d'esthétique, être beau. C'est vrai qu'il est bien que mon pilulier soit joli. C'est vrai que c'est important. Mais le problème derrière ça, et c'est le danger du beau, c'est de voir est-ce que derrière ça, ma vie privée ne va pas être, si vous voulez, perturbée. Mes libertés ne vont pas être endommagé. Alors, Jean-Louis Fréchet, directement mis en cause. Est-ce que c'est le design qui va favoriser ça? Je ne suis pas mis en cause du tout et je hurle. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça pour différentes raisons. La première, c'est que je suis français, donc j'étais éduqué en France. Donc la culture de la vie privée, la culture des données, elle est, je veux dire, dans notre éducation, même dans les écoles de design. Donc cette limite... en dehors de l'objet et du respect des personnes, elle est culturelle. Le problème, c'est pas du tout le problème du beau, c'est le problème du bon. C'est-à-dire que quand on produit avec des moyens grand public, donc à des coûts raisonnables, des objets de bien-être jusqu'aux aimants médicaux, on est moins cher que des prothèses faites à 10 exemplaires pour des CHU de pointe. Il me semble qu'en France, on n'a plus les moyens d'avoir... des rafales. Par contre, avoir des Logan dans un maximum de lieux de santé, ça marche plutôt mieux. Ouais, ça marche bien. Mais la Logan, ça marche bien aussi. C'est-à-dire répartition plutôt que concentration. Ce type d'objet accessible pose aussi une question de l'organisation stratégique de la santé publique en France. Est-elle orientée sur la prévention ou sur la curation? Aujourd'hui, tout est fait sur le tout curation. Il y a des pays, et là, je vous parle comme un designer. Hein, donc, vous voyez le genre de sujet auquel on s'intéresse. Pour faire nos petites boîtes en plastique. Il y a des pays comme dans le nord de l'Europe où tout est orienté sur la prévention et finalement on ne paye son médecin que quand on est malade. Quand on va le voir pour prendre en compte les choses, on ne paye pas. On ne le paye que quand on est... Voilà, on ne le paye que quand on est malade. Quand on va le voir qu'on n'est pas malade, donc pour la prévention, c'est d'accord. Gratuit. Voilà. Et le dernier point... Parce qu'il y a des pays où c'est le contraire, on paye que quand on n'est pas malade. Justement. Et le dernier point, ces objets connectés médicaux ou non médicaux, comme le dit Bernard Stiegler, ce sont des pharmacones, c'est-à-dire autant des remèdes que des poisons, et un peu comme les médicaments, c'est une balance entre risque et opportunité. Et le bénéfice-risque qui s'appliquait également aux médicaments. Exactement. Alors, la dernière chose que je voudrais dire, dans notre magnifique pays que j'aime beaucoup, on voit souvent plus les risques que les opportunités. Les Français parlent de risque, les Anglais disent take a chance. Et sur ces questions de santé, alors que la sécurité sociale n'ouvre pas ses données, qu'on peut pas les exploiter, vous avez tout à fait raison, on peut rien en faire. J'ai travaillé sur le site des Talab, on peut améliorer un nombre de choses infinies en France grâce à l'ouverture de données publiques, c'est incroyable. Celle où on a le plus d'économies à faire, on peut pas le faire. Pour des raisons tout à fait sérieuses et extrêmement complexes, je le concède, mais je crois qu'on n'a plus les moyens d'avoir des approches un peu frileuses, alors que l'argent est plus là, il faut être malin, quoi. Alors peut-être Daniel Lohn est handicapé par le fait qu'il est au téléphone. Est-ce que vous voulez réagir à tout ce qui vient d'être dit? Oui. Je suis tout à fait d'accord sur le fait de cette ambiguïté entre paradis et enfer. Et justement, je pense que, comme l'a dit M. Fréchel, je pense que en Europe, mais surtout en France, on est relativement bien placé pour justement jouer un rôle capital dans cette future médecine de demain, car il faut encadrer tout ce système, l'évolution des technologies, l'évolution de ces nouvelles solutions sera difficile à arrêter. Si nous, Français, si nous, Européens, on n'est pas là pour mettre un cadre et essayer de faire attention sur comment sont utilisées les données, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment elles seront transférées. On voit bien que des acteurs aux États-Unis, comme Google, Facebook, ne fait pas payer un certain nombre de leurs services, mais ça a un coût. Donc ça veut dire que derrière, toutes les données qui sont remontées par les citoyens, elles vont être utilisées à des fins commerciales pour faire de la publicité, pour orienter vers tel ou tel achat. Donc si on veut que nos données personnelles, et notamment santé, ne soit pas utilisée de la même façon, il faut qu'on intervienne. Et je pense que la France, le gouvernement français et un certain nombre d'instances, notamment la CNIL, avec laquelle on travaille de façon étroite, nous, au sein de Kiomed, une première action que j'ai faite, c'est le premier salarié de Kiomed a été correspondant de la CNIL, donc Informatique et Liberté, parce que je pense qu'il y a véritablement un enjeu sur la sécurité des données, la sécurité du transfert des données, l'usage de ces données-là, et de redonner une confiance aux citoyens, comment vont être utilisées ces données. Absolument. Voilà. Oui, et je vous coupe parce que c'est peut-être le moment de parler d'un projet très français aussi, qui s'appelle le dossier médical personnel, qui a une dizaine d'années à peu près, et qui n'a toujours pas véritablement abouti, alors qu'il est au cœur de ce questionnement sur les données personnelles et la façon de les gérer, Gérard Haas. Oui, alors d'abord, j'adore ce débat, parce que, je suis tout à fait d'accord, juste pour vous dire, le réseau Jessica, premier réseau international d'avocats francophones, nous organisons à Bordeaux, au mois de novembre, un colloque, enfin, notre congrès, autour de l'innovation, le droit est-il utile à l'innovation? Donc on est tout à fait prenant dans ce débat. Bien entendu, je suis tout à fait d'accord, il y a le beau, il y a le bon, mais enfin, quelque part, on doit regarder aussi le bien. Vous voyez, c'est les trois B qui sont importants, et permettez-moi de me pencher sur le bien. Alors, c'est très intéressant aussi de voir qu'aujourd'hui, dans les données de santé, on voit que le beau a un rôle important à jouer. C'est nouveau, c'est quelque chose de nouveau. On s'en fichait avant de savoir quelle était la couleur des pilules, sauf pour les reconnaître. Et on n'avait pas besoin, si vous voulez, d'un design particulier. Mais je trouve que c'est très bien. Hein. Voyons Apple, et j'encourage en fait ce type d'innovation. Foucault avait bien dit, c'est pas en peignant les prisons en bleu qu'on va changer le problème du prisonnier, ni son sort. Donc il y a quand même un vrai problème aujourd'hui autour de ça. On voit que derrière ça, il y a un marché qui se construit, il y a des nouvelles opportunités, et bravo, on les prend. C'est vrai que mon boîtier, mon pilulier doit être agréable. C'est vrai, mais voyons les services. Et vous parliez du dossier médical personnalisé. C'est vrai qu'il n'a jamais abouti à ce jour. Il était trop compliqué. Peut-être que aujourd'hui, l'accélération, si vous voulez, grâce au big data, grâce au cloud computing, on va pouvoir peut-être aujourd'hui stocker de mieux en mieux et écouter aussi ces données et avoir peut-être un meilleur résultat. Mais toujours est-il que la donnée de santé, et ce qui est lancé à Chalabre, c'est quand même, et c'est ça l'essentiel, une donnée qui est sensible lorsqu'on est dans les médicales. C'est pas un hasard si c'est l'entreprise montpelliéraine a désigné un correspondant informatique et liberté. C'est très bien, c'est un bon début, mais ce n'est pas l'essentiel. Aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est quels sont, et c'est peut-être à Chalabre le plus important, comment on sécurise en fait ces informations et est-ce que vous avez eu déjà à mettre en place ce système? Alors, voilà, une question directe à Josiette. Joliette Cosse, excusez-moi. Alors, évidemment, on n'en est pas encore là. On est en train de remplir des formulaires, des questionnaires, on n'en est pas encore là. Mais en revanche, ce qui est très intéressant, c'est un sondage d'Opinion Way qui est très récent, qui a été fait chez les Français, où très clairement, on sent que le Français est inquiet, puisqu'arrivent ces plateformes de données que les médecins finalement vont récolter à partir des informations de leurs patients. Et voilà, et la question c'est comment protéger ces données? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les assureurs s'y mêlent, des mutuelles, etc. En fait, oui, ça c'est une question vraiment de cœur. Comment protéger les données de santé des patients? Jean-Louis Fréchin. Comment protéger les données? Alors, c'est tout à fait intéressant ce sondage. Il y en a eu plusieurs sur l'inquiétude des Français par rapport à l'Internet, aux données, à la vie privée, etc. On est très bien protégé. On a la CNIL. Je connais beaucoup de gens de la CNIL. Et c'est vraiment une belle réussite qui aujourd'hui fait un peu le standard européen. Mais pendant que les Français, dans un sondage disent qu'ils sont très inquiets de leurs données de santé, ils mettent leur vie sur Facebook, aux yeux de tout le monde. Mmh. Il y a une sorte de paradoxe assez étrange de l'époque dont faut se méfier. Je coupe, mais est-ce que c'est exactement pareil que de volontairement publier des informations sur sa vie privée sur Facebook et d'utiliser un appareil qui va collecter certaines informations dont on ne sait pas forcément exactement quelles sont-elles et ensuite qui va les utiliser? Et donc, est-ce que c'est pareil? Non, mais Jean-Louis Fréchin. Vous avez raison. Je crois qu'il y a des données donc personnelles qui doivent le rester. Ça ne veut pas dire que des données personnelles anonymisées pour faire de la santé publique, améliorer de l'observance de certains types de médicaments n'est pas utile. Et aujourd'hui, le débat, c'est plutôt celui-là. Si de manière volontaire, je donne mes données de manière anonymisé, par conception, by design, comme on dit en anglais, c'est le sujet sur lequel j'avais discuté avec la CNIL, ça peut effectivement aider à basculer la santé vers de la prévention ou de l'analyse par le big data, vous l'avez dit, et avoir des réponses extrêmement intéressantes. Les vrais risques, tant qu'on est dans la sphère publique avec nos barrières, nos protections et la confiance qu'il y a envers et contre tout dans le système public français, tout va bien. Quand on se dit que ces appareils, effectivement, offerts gratuitement par une grande compagnie d'assurance, alors dans des pays du sud de l'Europe, les compagnies d'assurance se prennent en charge le système de santé, et que, effectivement, en fonction de ce qu'elles mesurent, vous avez une espèce de montée des tarifs d'abonnement, là, on peut être inquiet. Oui, alors, l'idée, c'est que vous oubliez votre pilule et voilà. Et vous payez plus cher. Voilà. Il y a une sanction derrière. Ou tout à coup, vous prenez du poids, votre assurance augmente, etc. Déléguer le libre arbitre de sa vie à des systèmes techniques, c'est embêtant. Mais c'est embêtant de la même manière quand, pour prendre un objet connecté connu, vous déléguez une partie de l'éducation que vous recevez de votre mère à une machine pour vous brosser les dents. C'est-à-dire que c'est un peu la même chose. La brosse à dents connectée ne choque personne. Elle est exactement identique au tensiomètre connecté à la compagnie d'assurance. C'est la même chose. Vous déléguez une partie de votre humanité à des systèmes qui sont extérieurs à vous-même. Ça, c'est inquiétant. Surtout dans le cas où on quitte le monde des capteurs, c'est-à-dire des objets qui mesurent, pour entrer dans les objets qui agissent, c'est-à-dire avec des actionneurs, c'est-à-dire qui peuvent traiter, hein, comme ces objets Sanofi qui traitent les diabétiques, qui délivrent de l'insuline, comme des objets qui peuvent vous doser un certain nombre de médicaments. En temps réel, il y a des grandes compagnies américaines, allemandes qui travaillent dessus. Là, on est dans de la modification de l'intérieur du corps, donc ça pose des questions assez importantes pour le coup. France Culture, Science Publique. Michel Alberganti. Nous débattons aujourd'hui la question la santé connectée, paradis ou enfer, avec nos invités Joliette Coste, chargée de mission à la direction générale de l'établissement français du sang et maire adjointe de Chalabre, Jean-Louis Fréchin, designer numérique fondateur de No Design, Gérard Haas, avocat spécialisé en droit de l'Internet et des NTIC, et Gérard Laune, PDG de Kiomed, entreprise spécialisée dans les solutions de e-santé. Donc là, on est quand même arrivé au cœur du sujet, en fait, Gérard Haas. Comment allons-nous faire pour gérer cette position extrêmement difficile à tenir entre les bienfaits que peuvent apporter les systèmes connectés de santé, parce que, comme on l'a dit et comme l'a rappelé Joliette Coste, il y a beaucoup de décès, d'hospitalisations qui sont liés à la mauvaise observance des prises de médicaments, par exemple. Et puis, ce risque que, finalement, des entités comme les assureurs, les banquiers ou même les employeurs puissent faire pression pour obtenir ces données et en tenir compte dans la relation avec le citoyen. Alors, je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire qu'il y a de vrais bienfaits. Qu'aujourd'hui on arrive dans un nouveau monde avec, si vous voulez, les objets connectés, c'est vraiment une véritable opportunité. On le voit dans les endroits qui sont hors ville, il y a des vrais enjeux. Mais c'est vrai que il y a une question qui est liée en fait à l'informatique, c'est en fait la sécurité de ces données. Alors le cadre réglementaire, aussi bien, j'allais dire, européen, quand on est en Europe. Et si demain les serveurs, parce que là aussi il y a un autre enjeu, c'est où seront hébergés les serveurs. Il faut savoir qu'en matière de données de santé, seuls des serveurs, des hébergeurs agréés peuvent collecter les données. Donc tant qu'on sera en Europe, je pense qu'on aura en fait des garanties. Et on aura des garanties nécessaires et suffisantes. Et en tout cas, on aura, si ces garanties ne sont pas apportées en termes de protection, on aura des acteurs qui seront responsables. Le problème, je pensais que c'était ce que vous vouliez dire en parlant de connexion et puis notamment de tout ce qui est fait aux États-Unis et puis cette belle opportunité de Google qui nous donne des services gratuits mais dont on sait très bien que en fait c'est parce que c'est nous les produits. C'est lorsque l'on va sur des hébergeurs qui sont hors Europe et qui nous donnent pas les garanties nécessaires et qui peuvent les exploiter. Et là-dessus, nous sommes tous, alors citoyens français, européens, assez, j'allais dire, peu vigilants. Peu prudent, c'est que nous avons des smartphones avec aujourd'hui des appareils qui nous permettent de détecter, de se connecter à notre santé, notre marche, etc. Et nous ne savons pas exactement qu'est-ce qu'on va faire de ces données et qui vont être marchandisées. Alors, c'est là le vrai problème. Et c'est pour ça que je dis, les objets connectés, l'e-santé, c'est un véritable enjeu. Vous voyez, on fait du beau, on fait du bien, on fait du bon. Mais en même temps, il y a des enjeux de protection. Et ces enjeux de protection, nous pourrons les avoir que si on garantit derrière ça une souveraineté européenne dans la protection de ces données. Mmh. Et si c'est ça, eh bien, on peut y aller et on peut avancer et on peut innover. Innovons. Daniel Laune, est-ce que vous êtes dans cette démarche vis-à-vis de l'Europe, par exemple, et de la protection des données associées à toutes les applications que vous allez contribuer à développer? Oui, clairement, je pense que c'était un des points que je venais de noter pour mentionner. Je crois que toutes nos données, nous, on est en train de choisir notre hébergeur de données santé, comme monsieur l'a dit, Maître Haas. Il y a un agrément qui est obligatoire pour ces données personnelles santé. Donc nous faisons intellectuellement la comparaison avant d'être hébergés à partir de cet été sur 4 hébergeurs, tous localisés en France. Ça va d'un grand groupe comme Orange à des structures un peu plus petites qui sont en province, mais tous, et c'est le point que l'on regarde en premier, on veut que nos données soient situées en Europe et en particulier en France. Et vous en avez très bon dans votre région, petite parenthèse, c'est dans la région du Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, il y en a de très très bons. Tout à fait. Et ça fait deux des quatre sont dans nos régions et dans notre future grande région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Et je crois qu'il y a aussi le système d'anonymisation, hein, puisque je pense que c'est un point important, hein, quand, après le stockage de ces données, l'hébergement de façon sécurisée, mais il y a aussi l'anonymisation, le transfert des données sécurisées. Donc tout ça, pour nous, ça doit être garanti. Et les Européens, les Français doivent être pionniers dans ce domaine pour sécuriser ces aspects-là. Si je devais faire, parce que je pense que la question de la confiance est clé pour le futur de la e-santé, je crois que Jean-Paul Sartre citait que la confiance, elle se gagne goutte à goutte, mais elle se perd par litre. Donc ça veut dire que c'est maintenant, alors que le marché et que les demandes sont en plein démarrage, qu'il faut avoir cette relation de confiance avec nos citoyens. Et le succès passera par là, en les associant et en montrant qu'il peut y avoir du bienfait à utiliser ces outils-là. Juliette Cosse. Alors oui, la santé connectée, enfer ou paradis. Paradis, le terme est un peu fort, mais quand on questionne des Chalabrois et puis d'autres Français, eh bien, on sent qu'il y a une évidence pour dire que, bien encadré, tout ce que vous aviez bien défini, ces objets connectés qui vont devenir moins chers, très certainement, beaucoup plus robustes, seront certainement un garant du maintien du service de santé français auquel nous, les citoyens sont tellement attachés. Et qui est donc fondée sur la liberté et la solidarité, puisqu'il y a eu une conviction que c'est la vraie démocratie, puisque tout citoyen vivant dans la ruralité très éloignée d'un centre hospitalier, eh bien, aura accès au même niveau de santé, de qualité de santé, qu'un citoyen qui habite dans une ville et qui a plus de chances d'avoir des médecins à proximité. Donc je pense que c'est une paradis, j'ose pas le dire, mais là, il y a vraiment un apport plein d'espoir pour notre service de santé. Jean-Louis Fréchin, le mot confiance a été prononcé par Daniel Laune et il est peut-être au cœur un peu des moteurs ou des freins au développement de ces systèmes. Tout à fait, c'est dans un débat ticket santé qu'on avait récemment, la question de la confiance avec App Digital, la question de la confiance est centrale et elle est présente par choix politique, vous l'avez dit, dans notre pays depuis longtemps. Mais cette confiance, elle induit des chemins pour innover ou changer les choses qui sont d'une difficulté terrible. C'est-à-dire que c'est une sorte de ligne Maginot. Donc, ligne Maginot, on sait en bâtir en France. Ce qui est en train de se passer, c'est que les start-up qu'on voit à Futur en Scène, puisque c'est Futur en Scène en ce moment, elles prennent systématiquement un choix qui est toujours le même, qui est d'aller dans le paramédical, c'est-à-dire à côté pour pas être embêté, aller vite. Et souvent, elles se développent non pas en France, mais sur des marchés européens périphériques. Parce que cette ligne Maginot, cette confiance est tellement infranchissable pour des petites structures que ça n'avance pas. Et s'il n'y a pas les petites structures, le foisonnement de petites structures, il n'y a pas d'innovation. Est-ce que le grand public et l'approche grand public n'est pas une façon de contourner cette ligne Maginot ? Tout à fait. C'est là où on voit les tensions vertueuses, les grands groupes qui essayent de se moderniser. Peut-être que les laboratoires sont pas encore assez à court d'argent pour vraiment commencer à innover violemment. Le pilulier pose un problème. C'est si on prépare le cocktail de médicaments à la pièce. On vend pas des boîtes comme on en vend en France. On utilise 10 gélules et on en jette 10. C'est moins bon pour les laboratoires parce que la Sécu, elle rembourse une boîte de vin. Donc c'est des problèmes connus. Lié au vous voulez dire que le pilulier pourrait se rembourser lui-même grâce aux économies de pilules. Tout à fait. Mais par contre, ça change le business model des labos, en tout cas en France. Moi, le mot qui m'intéresse dans ces questions-là, pour innover, pour avancer, pour prendre des risques dans notre culture française, d'une médecine pour tous et d'un choix, etc., c'est le mot conscience. C'est-à-dire, ce que je fais, je le fais avec toutes les informations qui me permettent de voir si, en tant que citoyen, quand je rentre dans un système ou dans un autre, j'ai la confiance à laquelle je suis habitué, ou en conscience des enjeux qui sont posés pour les bénéfices que je reçois par rapport aux risques que je pourrais prendre, que tout soit transparent, by design, par conception. Et là, on pourra effectivement faire des objets ou des produits ou des services frontières qui sont à des limites, et notamment sur des marchés bon, le marché, c'est un mot un peu violent, mais qui sont des vrais enjeux, qu'on appelle le maintien à domicile. C'est-à-dire que donner des médicaments à vos concitoyens, c'est formidable, mais les aider à pas aller à l'hôpital ou aller dans la maison de retraite et rester chez eux, ça fait partie, c'est un enjeu de santé publique. Et équiper les maisons avec des systèmes, c'est possible, on sait le faire. Aujourd'hui, c'est... Oui, mais s'il y a un accident, et si on les consomme, il y a des questions de responsabilité qui font que ça freine le déploiement de ces solutions qui, à 90% avec des caméras, pourraient traiter beaucoup de solutions. Et ces éléments d'un système qui doit être français, donc totalement sûr, sans risque, avec un responsable identifié, etc., fait que ça ne se déploie pas comme ça se devrait se déployer. Or, on n'a plus les moyens, enfin, la plupart des Français n'ont pas les moyens d'aller dans des EHPAD ou dans des maisons de retraite, donc il faut trouver des solutions agiles et plus légères. Un des éléments de la légèreté, c'est de quitter la confiance absolue pour rentrer dans des modèles un peu intermédiaires qui permettent d'élargir le champ pour résoudre cet enjeu important, le maintien à domicile, qui fait partie de l'e-santé pour moi, totalement. Absolument, mais vous avez prononcé donc ce nouveau mot, après confiance, conscience, on est dans le vocabulaire qui cerne la question. Mais Gérard Haas, est-ce que la notion de conscience est facile à établir dans ce domaine? Aujourd'hui, tout est mouvant. Quand on voit, vous parliez des serveurs qui doivent se trouver en Europe, mais dans le domaine d'Internet et des télécommunications, les entreprises se rachètent les unes les autres sans cesse. On est dans la mondialisation. Comment concevoir une espèce de village gaulois à l'intérieur de cet ensemble? C'est pour ça que la France et l'Europe doit être un acteur majeur en matière de nouvelles technologies, en matière de big data, en matière de cloud computing. C'est vrai qu'on a trop peu d'acteurs. Il y en a en France, il y en a en Angleterre, il y en a en Allemagne, mais il n'y en a pas assez. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut effectivement appuyer. J'adore aussi le terme que derrière la confiance, et au-dessus en tout cas, il y a la confiance, la conscience. Mais j'allais dire que quelque part, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce qui a été fait à Chalabre, c'est que quelque part, ce qu'on recherche derrière la confiance, c'est aussi la satisfaction. Et c'est vrai que pouvoir répondre à un besoin, donner la satisfaction, c'est aussi encourager l'innovation. Et vous savez, derrière les objets connectés, il y a un autre enjeu. On l'a pas encore parlé, mais qui est vraiment important. Pourquoi on a besoin d'avoir de plus en plus d'informations et de données? C'est parce qu'on est en train aujourd'hui de bâtir via des algorithmes, des informations, des données qui sont prédictifs et déjà des entreprises sont en train de préférer prescriptives, des données prescriptives. Et donc, si vous voulez, la chaîne, on va aller maintenant sur toute une chaîne qui est très importante et effectivement, heureusement qu'on a des beaux objets parce que ça va encourager à les utiliser. Heureusement qu'il y a des initiatives. Et alors, regardez, c'est le monde rural qui apporte l'innovation. C'est extraordinaire. Et parce qu'elle va nous donner des réponses. Et en même temps, le droit, on a des moyens. On parlait de la notion de privacy by design est très importante au niveau européen. Parce que finalement... En protection de la vie privée par conception. Par conception. Et voilà, absolument. Parce qu'on nous dit simplement... Parce que c'était un vrai problème. On disait, mais finalement, les lois informatiques et liberté, tout ce qu'on a mis en place, explose aujourd'hui, est complètement percuté par le big data, le cloud, etc. Ils ne peuvent plus s'appliquer. Or, aujourd'hui, grâce à cette notion, on nous dit, à partir du moment où on met en place sur le marché un nouveau produit, un nouveau service, on doit déjà anticiper sur les conséquences qu'il pourra avoir. Et donc ça, c'est relativement intéressant. Et j'allais dire, soyons optimistes. Oui, soyons optimistes avec la santé connectée. Daniel Lone, est-ce que cette approche de conception qui intègre la question de la vie privée et de sa protection dès la conception, donc est-ce que ça fait partie un petit peu des choses qui vous paraissent importantes et que vous préconisez auprès de vos partenaires industriels? C'est clair, c'est notre cœur de métier, hein, c'est notre cœur de métier, c'est-à-dire que c'est ce qu'on pousse au niveau des industriels. Les industriels de la santé n'avaient pas, entre autres, n'avaient pas l'habitude de faire ces approches-là. Nous, on leur pousse pour que, dès le début d'une idée, ils se mettent autour d'une table, qu'ils mettent des experts, qu'ils soient patients, donc citoyens, professionnels de santé, des designers. On met parce que ça, c'était oublié avant aussi dans ce secteur de la santé. On n'a pas besoin d'un bel appareil, d'un bel beau dispositif médical. Des spécialistes de l'informatique, de l'électronique, des capteurs. Et tout ça pour regarder comment on va utiliser, comment les citoyens vont pouvoir donner leur avis et que cet avis soit pris en compte. le citoyen est de plus en plus d'informations. Il va sur Internet, je vais vous couper parce que je voudrais quand même que Joliette Coste nous dise en deux mots l'étape suivante à Chalabre. Alors, je réfléchissais sur ce qu'il disait, oui, très très clairement. C'est vrai que pour l'instant, il y a plutôt un avis plutôt optimiste et de positif. Confiance, puisqu'on sent vraiment que ça va contribuer à améliorer le bien-être. En revanche, il y a une inquiétude, parce que ces objets connectés, vraiment appliqués à la médecine, créent aussi un sentiment d'inquiétude parce qu'il y a attention à la déshumanisation. C'est-à-dire que on va être traité, suivi, prévenu par ces objets connectés. Où est ce contact singulier avec le médecin et qui doit effectivement toujours rester. Donc il y a une inquiétude. Là. Absolument, mais c'est un autre débat, mais on va voir que peut-être il va être très très très vite. Aujourd'hui, le débat de Sciences Publiques s'achève. Alors Juliette Coste, Jean-Louis Fréchin, Gérard Haas et Dalé Laune, merci d'y avoir participé. Sur le site de Sciences Publiques, vous trouverez des liens concernant la santé connectée, l'Internet des objets. Et sur notre site, vous pouvez également réécouter cette émission pendant 1 mi-jour et la podcaster pendant 1 an. Bien entendu, vous pouvez également nous faire part de vos réactions, commentaires et témoignages. Pour aller plus loin sur ce sujet de la santé connectée, vous pourrez écouter Révolution médicale de la semaine prochaine. L'émission de René Friedman sera en effet consacrée à ce sujet et abordera les aspects plus médicaux de la santé connectée, de la médecine à distance. Cette émission fera partie de la semaine que l'ensemble des émissions de Science Culture consacrera au thème Idées, savoir, la relève. Et justement, dans ce cadre, Science Publique, vendredi 19 juin, abordera la question des jeunes chercheurs qui présentent leur thèse en 180 secondes. Nous verrons en particulier quel rôle joue cette capacité à communiquer sur leur travail dans la carrière des chercheurs. Je n'ai pas le temps de vous en dire plus. Nous aurons la participation à la fois de lauréats de ce concours et d'organisateurs de cette manifestation, ma thèse en 180 secondes. Sciences Publiques, Dany Journeau, Jean Frédérix, Marie Dalquier, Michel Albertganti.